Retro House. Yeah.

Retro House.

Thank you.

Merci, welcome à tous, bienvenue. Tu es calé fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique avec une semaine spéciale dans le cadre de l'anniversaire de Galaxy. Depuis lundi, ta radio te met le feu et te fait revivre les meilleurs moments de la rétro. Tout à l'heure, entre 14h et 17h, tu as rendez-vous avec Olivier Curtis pour un spécial Up and Down, le classement des meilleurs hits rétro et dance. Les plus anciens d'entre vous se rappellent certainement de ce rendez-vous incontournable. Ça démarre donc dans moins de 15 minutes à 14h. Pour l'heure, retour à la rétro avec Serge de Music Line et son concept Sound of Paradise. Galaxy, place all.